Le rassemblement au niveau central des Coréens au Japon, consacré au 5e anniversaire du décès du généralissime Kim Jong-il, a eu lieu le 17 décembre à la Maison de la Culture Coréenne à Tokyo. Y ont pris part Ho Jong-man, président du présidium du comité central de la Chongnyon, Association Générale des Coréens Restants au Japon, et autres cadres de l'association, les compatriotes coréens de différents milieux, les étudiants de l'université coréenne et les délégués des élèves des écoles de cycle supérieur coréennes. Les participants ont observé un moment de silence à la mémoire de Kim Jong-il avec le sentiment le plus respectueux. Après le discours de Ho Jong-man, il y a eu des interventions. Les orateurs ont dit que le généralissime Kim Jong-il a mené une vie révolutionnaire de grand homme politique, car il a su ouvrir, avec la fidélité absolue au généralissime Kim Il-sung, une nouvelle époque de la révolution Juche, époque de succession universelle de la cause révolutionnaire du leader. Ils ont ajouté qu'il a fait une grande contribution pour la réunification indépendante et pacifique de la patrie et la cause d'émancipation de l'humanité. Le même jour, les rassemblements commémoratifs ont eu lieu également dans les sièges des directions locales de la Chongnyon comme Osaka, Hyogo, Gyoto, Aichi, Ibaraki, Hiroshima, Fukuoka et Hokkaido. Le même jour, se sont déroulées à la même occasion à la Maison de la Culture Coréenne à Tokyo une exposition de photos au niveau central et une conférence sous le patronage de la Chongnyon.